Si mueve o de pina ni na no. Toujours y tu dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant. J'ai au moins pas ni réponse pour ta. Oh non non. Ma ma. Les mains qu'à songer on peut pas attendre. Ma ma. En moins qu'à mon desserré. Les mon cas, c'est au moins qu'à ton. Tout du coup, t'es ça. Il monte qu'à moi, meeting. Wando vimotie. Il sort de mon lèvre matin. Wando vimotie. Dit qu'à la vôtre, l'autre. Wando bambé moye, maman. Les mots qu'à songer, on peut pas attendre. Tout corps en moins qu'à m'en desserrer. Les mots qu'à ouer, c'est au moins qu'à attendre. Tout doumi, c'est ça. Come on.